T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planet Indie, c'est l'épisode numéro 408. Nous sommes ensemble comme chaque premier samedi du mois, entre 17h et 18h30. Et puis on dit aussi big big hello to our American friends from Boston, puisque je vois qu'on a des gens qui écoutent du côté de Boston, donc c'est très bien. Journée un peu spéciale au Luxembourg, effectivement, puisque, comme vous le savez, l'actualité est ce qu'elle est. On va quand même vous proposer, eh bien, de la bonne musique, des choses que vous n'entendrez nulle part ailleurs, en tout cas probablement nulle part ailleurs. Beaucoup de nouveautés, allez, quelques petits noms pour vous citer, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. On écoutera Mudfish, on écoutera un extrait du nouvel album des Good Lovelies, on écoutera le nouvel EP des Pink Dust, on écoutera quoi d'autre, West of Eden, Art Noir entre autres, et puis on va commencer tout de suite cette émission par une autre nouveauté, il s'appelle Parrot Ground, un morceau qui s'appelle Moon, c'était enregistré en public, et puis bien entendu on aura aussi notre power play un peu plus tard, ainsi que ce qu'on va, n'est pas encore traditionnel mais on espère va le devenir, notre capsule BD. Voilà, bon début de soirée en notre compagnie, nous sommes ensemble jusque 18h30 et on commence tout de suite donc avec le groupe Parrot Ground et son morceau Mounds, et puis après ce sera les Californiens de Dissonance et un morceau intitulé Drive. You say it's a shame. Foot is on the pedal, pedal's on the floor, grip as hard as metal, soft is only roar, faster to escape it. Fool to think you can. Better to embrace it as if it were the plan. Driving into nowhere, driving through. Driven till you feel alright. Drive. Mind is racing faster, losing all control. Distance is perspective, perspective is the goal. Driving into driven till you feel alright. Driving into nowhere. Drive because you're driven till you feel alright. Voilà, on espère que vous aussi bien, vous vous sentez bien, puisque c'était le groupe Dissonance avec le morceau Drive, et puis on a commencé avec Mons et un nouveau venu dans cette émission. Il s'agit du groupe allemand, si je ne m'abuse, Parade Ground. De l'Allemagne, donc on était en Californie, on revient en Europe, mais dans le nord de l'Europe, et c'est vrai que la météo aujourd'hui faisait plutôt penser à de la météo polaire. D'ailleurs, on nous annonçait du froid polaire, c'est vrai qu'il fait pas très très chaud aujourd'hui. On va pas aller jusqu'au cercle polaire, on va se contenter de s'arrêter en Suède avec un extrait du nouvel album de All Mother, et le morceau s'intitule Street Fight. C'est de la pop électro, vous allez voir, c'est sympa. Fight. Hands right. Listening to Planet Indie. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Elijah Tucker, and you're listening to Planet Indie. If you walk into my life, take everything and start with that memory of all that came before. No more walking on the edge, considering consequence of what might begin and end if we were mine and yours. Tables could turn, bodies would learn, all of our stories in a rewrite. I am all in, if you are all in. Nothing is real under the shade of night. So when can I see you in the daylight? When can I see you in the daylight? When can I see you in the daylight? That's all that I'm asking. It's all that I'm wanting of you. As they came and went, but I could never be sure. Hard lessons I learned, bridges that burn, all that I held but couldn't get right. Still I will believe, if you will believe, this could be real beyond the shade of night. So, when can I see you in the daylight? When can I see you in the daylight? When can I see you in the daylight? That's all that I'm asking. It's all that I'm wanting from you. Voilà, c'est un extrait du tout nouvel album du groupe Les Good Lovelies. L'album s'intitule Shapeshifters et vous avez certainement compris par vous-même que le titre du morceau s'intitulait quant à lui Daylight, la lumière du jour. Bah oui, on arrive dans les jours les plus longs avec beaucoup de lumière. C'est une transition un peu facile. 17h19 minutes, eh bien nous allons passer à la découverte de notre album Powerplay si vous le voulez bien. On espère que ça va vous faire plaisir. Il s'agit d'un groupe américain qui s'appelle Witherward. Ça s'écrit en un mot. Et attention, c'est pas Whiter. Hein. C'est il y a deux H. Il y a un H après le W. Il y a un H après le T. Donc Witherward est un duo composé de Ashley E. Norton et Edward Williams. Edward Williams qui vient, donc c'est un duo un peu composite puisque Edward Newton vient plutôt du monde et du milieu du jazz, tandis qu'Ashley, elle vient plutôt du monde de la country. Donc ça c'est, on va dire, le cœur principal du groupe et souvent ils sont accompagnés, notamment en concert, par toute une volée de différents musiciens. Alors, Witherward, c'est un groupe qui est difficile à catégoriser. Eux, ils se définissent comme de l'indie folk. Voilà, c'est ce qu'ils disent de leur groupe. Parmi leurs chansons sont parfois des chansons pop avec pas mal de place pour eh bien, de l'expérimentation. Ce sont des chansons parfois sombres, mais en même temps, elles sont frivoles. Parfois expérimentale, mais en même temps, elle reste accessible. Le groupe s'est formé en 2014 à Nashville, la capitale mondiale de la musique country. Et puis après quelques années sur la scène musicale, eh bien, il est plutôt dans le monde de l'industrie musicale, c'est surtout le mot industrie qui est important. Eh bien, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus faire ça et qu'ils voulaient plus jouer le jeu du monde de l'industrie et ils voulaient juste faire leur musique et essentiellement faire la musique pour leurs fans. Et leurs fans, ils se sont dit, voilà, on est indépendant, on a du succès, on a des fans, mais ils ne sont pas spécialement à Nashville, donc ils ont pris la route. Voilà, c'est la première partie de cette présentation du groupe Witherward, groupe américain. Leur premier album s'intitule The Anchor, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. On va en écouter un premier extrait qui s'appelle Are You There? Et oui, est-ce que vous aussi, vous êtes là? Eh bien, si vous êtes là, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook, par exemple, et voilà, poster vos messages. Vous pouvez aussi nous téléphoner, si vous le voulez, 26 54 0044, 00 352, 26 54 0044. Et on sera bien entendu très heureux d'écouter ce que vous avez à nous dire. Allez, place au Powerplay, Witherward avec Are You There? Powerplay. Powerplay. Said than done. It's time. as the needs of the many outweigh the one. Are you there, kid? It's me. I know just what you're thinking. If there only was a way to make the pain go away from your heart. With darkness comes fear, and it only gets worse from here. A young malaise is a somber way to start. It's all in your head. People like to tell me, think positive instead. Easier said than done. It's time to let go of the demons in the closet. Cause the needs of the many outweigh the undertow. Yes, I feel of the sweetest fruit. I sure heard the rule. If it swept me off my feet, would I be the fool? I was standing at the verge of possibility. Someone begging me, begging me, begging me, please. Yes, I feel tug of the undertow. Yes, I feel tug of the undertow now. Yes, I feel tug of the undertow. Tug of the Undertow, c'est le nouveau morceau du groupe Mudfish, un morceau d'ailleurs en exclusivité rien que pour vous, puisqu'il n'est pas encore sorti. Il va sortir le 17 mai, donc c'est d'ici une quinzaine de jours. C'est le nouveau single du groupe Mudfish qui revient donc aux affaires courantes, on va dire. Ils vont sortir un nouvel album dans le courant du mois de septembre. On vous tiendra bien entendu au courant. Avant cela, on a encore pas mal de musique à vous faire découvrir, donc avant le mois de septembre, et on va poursuivre tout de suite avec David Hurl, extrait lui d'un album complet qui est sorti chez Edendale Records, un album intitulé The Garden of Edendale, un très très bon album d'ailleurs, candidat powerplay, hein, ça je le signale tout de suite. Ce sera pas pour le mois prochain, parce que je pense qu'il y en a d'autres personnes sur la liste avant lui, mais lui je le garde en mémoire pour vous le passer en powerplay d'ici peu. On va l'écouter donc avec la plage d'ouverture de cet album et la recherche de Nathalie, Finding Nathalie, et puis après ce sera Alfred Gomez Jr. et Espiral, encore une autre nouveauté rien que pour vous. Hopscotch, skip and run, a playground in the LA sun, I remember. Chapel time, sing a hymn, swinging on the jungle gym, I can see her. Jet black hair and eyes, first grade Hill Day surprise for me. Would have felt too young to name, but I felt it all the same for Natalie. Finding Natalie and tell her of the place I have in my heart. Finding Natalie for all the love I've had for her from the start. Finding Natalie, how has she been so long that we've been apart? Finding Natalie, the first to win my heart. Another grade came and went, then one more and more she meant. To my dismay, her mother asked if I liked Natalie. Pretended not to hear, though my heart called, I ran in fear. Oh, youth. That year I would leave, never to tell Natalie the truth. Finding Natalie and tell her of the place I have in my heart. Finding Natalie for all the love

aux sonorités latines avec Alfred Gomez Jr. et le morceau intitulé Espiral. Et si vous aimez le soleil, eh bien rassurez-vous, on en a encore, on vous en passera encore tout à l'heure avec Nidia Ortiz. Et elle nous invitera à danser la bachata avec le morceau Bachata démarre. Mais ça, c'est pour dans quelques minutes. Pour l'heure, eh bien, nous allons retourner sur notre album Powerplay, l'album d'Encore du groupe américain Widowworld. On s'était quitté tout à l'heure en disant eh bien, qu'ils avaient décidé de ne plus jouer le jeu de l'industrie musicale et ils sont décidés eh bien, à partir en tournée puisque leurs fans étaient non seulement à Nashville mais un peu partout, tout d'abord aux États-Unis. Donc ils ont décidé de partir en tournée permanente. Voilà, ils ont pris la route de façon permanente. Ils sont embarqués dans plusieurs tournées de plusieurs semaines voire de plusieurs mois, ne s'installant nulle part, et ils ne vivaient que pour jouer la musique qu'ils aimaient pour les gens qui aimaient la musique. C'était une sorte de Simon et Garfunkel des temps modernes. Au début, apparemment, ils trouvaient ça assez amusant de vivre comme des tziganes, avec le recul, ils trouvaient quand même que eh bien, c'est une des choses les plus difficiles dans cette vie de tournée permanente, de ne jamais avoir un chez-soi, de ne jamais pouvoir s'arrêter quelque part. Ils avaient acheté une voiture et ils ne vivaient pas dans leur voiture, mais ils vivaient chez des... Ils avaient un grand réseau d'amis, de fans, de supporters, eh bien, qui les accueillaient tout au long de la route. Cette tournée mémorable, d'ailleurs, leur a inspiré toute une série de vidéos. Vous les trouvez sur leur site internet. Ça s'appelle Songs from Subaru. Bah oui, pour ne pas faire de pub, c'est la marque de la voiture qu'ils avaient. Et puis, ils mettaient alors la caméra sur le tableau de bord. Et puis, ils chantaient en voiture entre les endroits qu'ils rejoignaient pour aller faire leur concert. Ça a duré cette vie pas loin de 3 ans. Ils ont tourné essentiellement aux États-Unis, essentiellement du côté ouest des États-Unis, mais aussi le Midwest. Et puis ils sont venus aussi en Europe, ils ont fait aussi une tournée en Europe. Alors là, c'était l'été dernier, c'était assez amusant parce qu'ils ont commencé par planifier leurs dates, et puis alors ils ne comprenaient pas pourquoi en été on leur disait ah non, à beaucoup d'endroits on leur disait ah non, cette date là ça ne va pas parce que c'est le jour du gros match, enfin des matchs, on leur parlait de matchs de football, bon ils pensaient que c'était des trucs locaux, mais ils sont finalement arrivés en Europe et leur tournée a eu lieu en plein pendant la Coupe du Monde de football. Donc ils se sont rendus compte que la concurrence était assez énorme de ce côté-là. Et alors ils racontent une anecdote, ils avaient réussi à se faire prêter une voiture, une Subaru justement, par Subaru Europe. Et le siège de Subaru Europe est situé en Belgique, donc ils tourner avec cette voiture qui avait des plaques belges tout au long de l'Europe, et puis ils sont retrouvés en Angleterre, notamment à Bedford. C'était la veille ou le jour du match Angleterre-Belgique à la Coupe du Monde. Et alors ils racontent qu'ils étaient au car wash pour nettoyer la voiture, et alors le tenancier leur dit sortez surtout pas en ville aujourd'hui avec cette voiture. Donc ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas la meilleure idée que d'être avec des plaques belges en Grande-Bretagne le jour du match. Donc ils ont dit on a quand même mis un petit drapeau anglais pour être sûr que les fans ou les hooligans anglais ne détruisent pas la voiture, surtout quand on connaît le résultat du match. Enfin, mes sources ne me disent pas si c'est le premier ou le deuxième match Belgique-Angleterre, puisque la Belgique a joué 2 fois contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde et a gagné 2 fois aussi. Voilà, je vous parlais des vidéos. Voilà, des vidéos que vous trouvez sur leur site internet, il y en a pas mal. Moi, je vous en ai mis une aussi dans le groupe Facebook de Planet Indie. Je vous ai mis le morceau, la vidéo officielle du morceau Deaf, Dumb and Blind, où on voit la chanteuse, enfin on les voit déguisés en médecin et en infirmière. Et la transition est toute faite puisque le morceau que je vais vous passer maintenant s'appelle Teeth, donc c'est les dents. Donc entre le médecin et le dentiste, eh bien, il n'y a qu'un pas que Widowworld franchit allègrement. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, je vous le rappelle, Widowworld avec leur album The Anchor. Power play. Power play. This is Cliff of the Pink Dust, and you're listening to Planet Indie. Hello, my old friend. since I've seen you. It's good to be together again. Hello, so good to see you. Laughing down a road to nowhere, just like we used to do. You'll never know what you mean to me. Never say and never will. You'll never know what it all could be. Suddenly you start to see hello. Eux-mêmes, mais si vous nous suivez, eh bien vous avez peut-être reconnu. En tout cas, c'est le nouveau, cet extrait d'une nouvelle EP du groupe de Pink Dust. Le morceau s'intitule bien entendu Hello et l'EP en lui-même s'appelle Flamingo. Avant de continuer musicalement et de retrouver le groupe français No More Winters, passons en revue, si vous le voulez bien, la programmation de nos amis de la Rocale. Alors, aujourd'hui, on en a parlé le mois dernier, mais ça doit être en cours et ça doit peut-être même déjà toucher à sa fin à cette heure-ci. C'était Marc Matt, les ateliers musicaux pour toute la famille. Il y a aussi, alors ce soir, le Rock Lab Presents Deepwater by Mudez and Pete Dam. C'est l'entrée est gratuite d'ailleurs, c'est organisé par le Rock Lab. Les ateliers interactifs, on en a parlé aussi longuement le mois dernier, mais ça se tiendra donc, c'est ceux dont je vous ai parlé plus longuement. C'est notamment la construction de son propre synthétiseur ou la composition de la bio de film de science-fiction. Ce sera pour le 11 mai, donc samedi prochain. Le 14 et le 15, c'est Be a Hero. Le 16, Jane. Le 17, de nouveau Be a Hero. 18, Legends of Rock Tribute Festival. Le 20, Catatonia au club. Le 23, Caballero et Jean Jass. Ensuite, le 25, Seven. Le 26, ça fait des mois et des mois que je vous en parle, alors j'espère que vous avez réservé vos tickets. C'est la venue de Steve Hackett au Club de la Rocale. Moi, je compte bien y aller aussi. Le 29, Aya Nakamura. Et le 3 juin, Animals as Leaders. Et puis en parlant du mois de juin, j'en profite aussi d'ailleurs pour vous signaler que notre prochaine émission en direct se tiendra bien entendu le samedi 1er juin entre 17h et 18h30. Voilà, d'ici quelques minutes, retour sur notre album Powerplay. Pour l'heure, eh bien, nous allons découvrir un second extrait de l'EP Back in the Saddle du groupe No More Winters, les Français. Deuxième extrait, puisqu'on en a déjà entendu un extrait le mois dernier, cette fois-ci, c'est le morceau Flowershine. Flowers shine by the window, shining through my soul, basking in the moon glow. I feel like I'm 10 feet tall. I feel like I'm 10 feet tall. Down by the river, hands behind my back, walking like a ninja, giving her that big fat rock. Flower shine, flower shine. Solo perdimos los desvelos. ¿Cómo no, corazón, disfrutar más de tu cariño? Ven y nada, anda, ven, navega hacia mí, a la pasión de nuestro mar. Celebremos juntos los tesoros que allí descubrimos al nadar. Pero nada, ven, navega en mí los lindos días del ayer. Despierta hoy las olas que hay dentro de ti y nuestro amor verás crecer. Hoy es noche de luna, la playa enciende un sol. Un niño toca alguna melodía de amor. Pero esto en nada se compara al sonido de tu voz. La melodía más grata que mi oído escuchó. Amor de caramelo liberó nuestros deseos, enlazaron nuestros cuerpos en la tierra y el cielo. Hey, en burbujas terciopelo despedimos los desvelos. Come on, corazón, cariño, mi deseo. Ay, anda, ven, navega hacia mí, a la pasión de nuestro mar. Celebremos juntos los tesoros que allí descubrimos al nadar. Hey, nada, ven, navega en mí las lindas días del ayer. Despierta hoy las olas que hay dentro de ti y verás nuestro amor crecer. Navegar en tu mar abrazando tu sonrisa. Celebremos juntos los tesoros que allí descubrimos al nadar. Je vous avais dit hein, qu'on avait encore du soleil à vous proposer avec la charmante, douce et cajoleuse voix de Nydia Ortiz. Elle nous interprétait le morceau Bachata démarre. 18h05, eh bien, petite capsule BD comme on va essayer de le faire chaque mois. Le mois dernier, on vous avait proposé une présentation du livre Golden Pass, ma vie de cascadeur aux éditions Ankama. Cette fois-ci, c'est l'album Champignac Enigma que je vous propose de découvrir. C'est sorti en janvier 2019 aux éditions Dupuis. L'histoire se passe en cet été 1940, alors que la Belgique est occupée par les nazis. Pacôme, comte de Champignac, reçoit un étrange message codé, l'enjoignant de gagner l'Angleterre au plus vite. C'est alors que les Allemands arrivent pour prendre leur quartier dans son château. Réussissant à s'échapper, Champignac parvient finalement à destination, à savoir Bletchley Park, un peu au nord de Londres, où il fait la connaissance de la pétillante Blair McKenzie, qui ne le laisse pas de marbre. Leur mission, contribuer aux recherches menées par Alan Turing pour casser les codes de chiffrement de la fameuse machine allemande Enigma, afin de donner un avantage significatif aux alliés et changer ainsi le cours de la guerre. Le comte Pacôme Hégésip Adélard Ladislas de Champignac, personnage mythique et l'un des plus intéressants rôles secondaires, est donc désormais mis à l'honneur dans cette nouvelle spin-off tirée du monde de Spirou, tout comme l'ont été avant lui le Marsipulami et Zorglub. Dans ce premier épisode, on fait la connaissance du comte jeune qui évolue ici dans un univers mi-historique, mi-fantaisiste, plein de références. On y croise évidemment Winston Churchill dans son propre rôle, mais aussi Alan Turing, qui fut l'un des artisans les plus acharnés du décodage de l'Enigma, notamment à travers les bombes qu'il a mises au point, permettant de trouver le jour même, et non plus avec 3 jours de retard, la combinaison de déchiffrement. Ou encore Ian Fleming, le père de James Bond. Parmi les autres personnages, on retrouve les habitués comme le maire de Champignac ou le toujours imbibé Dupilon. L'histoire tient la route, même si le sujet avait été traité ailleurs. On pense notamment au film Enigma qui est sorti en 2001 ou Imitation Game en 2014. Et si on aurait pu espérer un peu plus d'obstacles sur le chemin, car il semble qu'il n'ait fallu que quelques semaines à nos héros pour trouver la clé. L'histoire s'appuie sur une documentation pertinente, notamment au sujet des méthodes utilisées pour déchiffrer les codes. Le style est réaliste et authentique, jusque dans la représentation du manoir de Bletchley Park, dans la capacité des recrues de résoudre les mots croisés du télégraphe en moins de 6 minutes. Miss Blair a d'ailleurs été recrutée car elle a gagné un tel concours, ou dans l'affectation de Ian Fleming qui a effectivement servi comme officier de renseignement naval pendant la guerre. On y trouve même la présence de la taupe qui aurait transmis certaines informations aux soviétiques. Si vous faites attention, il y a un petit clin d'œil à la page 35, à la légende qui veut que le logo de la firme Apple fasse référence à la pomme croquée trouvée sur la table de nuit d'Alan Turing, l'un des pères de l'informatique, s'il faut le rappeler, le jour de son suicide supposé, suicide qui a été attribué à cette pomme préalablement imbibée de cyanure. Petit bémol précisément sur le dessin de Turing qui semble avoir au moins 10 ans de moins que les 28 ans qu'il avait en 1940. En conclusion, c'est une aventure plaisante qui raconte un épisode fondamental de la Seconde Guerre mondiale de manière joyeuse et intelligente. Tout le monde y trouvera son compte et passera un très bon moment à la découverte de la personnalité de Champignac, tout en attendant impatiemment la suite de ses aventures. Voilà, voilà pour cette deuxième capsule BD dans Planète Indie. C'était Champignac, l'aventure Enigma. Pour l'heure, eh bien, on poursuit en musique parce qu'on n'est pas spécialement en avance, avec un extrait d'une nouvelle EP de Sister Speak. Un hippie qui s'intitule The Stand. On va écouter la plage bonus, si vous le voulez bien, la dernière, avec accompagnant Sherry-Anne Tolancho, et le morceau s'intitule Catch Me As I Fall. C'est Sister Speak. Hey, this is Sherry-Anne from Sister Speak and you're listening to Planet Indie. Space. I've been calling home. Now I'm at a standstill, fork in the road. They say it won't be easy. They say it won't take long. I can hear the storm coming, running in fog. Catch me as I fall. Fall into you. Catch me as I go. Take me in your arms. Catch me as I fall. Fall into you. Catch me as I go. Take me as I am. Of it all, it feels like I'm drowning. Aimlessly I roam. The water rushes over me, barely holding on. Suddenly I'm lifted up.

okay. It's just the dwelling of the day. Si vous étiez avec nous le mois dernier, vous avez reconnu probablement ce morceau, en tout cas je l'espère, parce qu'on l'a passé le mois dernier. C'était West of Eden, The Dwindling of the Day. On arrive eh bien, tout doucement à la fin de cette émission. On doit encore aller sur notre album Powerplay. Je vous ai à peu près raconté tout ce que je pouvais vous dire sur le groupe Witherward. Leur adresse internet, c'est www.witherward.com. Alors, je vous le redis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Witherward, c'est pas Witherward, hein, c'est Witherward avec un H après le W et un H après le T, et ça s'écrit en un mot. D'ailleurs, ce mot Witherward, c'est un terme archaïque de la langue anglaise qui signifie dans quelle direction. Où est-ce qu'ils ont été chercher ce nom-là? Eh bien, c'est vraiment par hasard. Ed, l'un des deux membres du groupe, il a trouvé ce mot sur le site internet dictionary.com, et on peut même pas dire qu'il cherchait pour ce mot-là, mais c'était le mot du jour, le mot mis à l'honneur ce jour-là, et c'est comme ça qu'ils ont décidé de s'appeler Witherward. Voilà pour la petite histoire derrière le nom du groupe. Le troisième extrait qu'on va écouter aujourd'hui, ils sont accompagnés de Jan Do pour ce morceau, et il s'intitule Parallel Universe. C'était donc notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, et cet extrait de leur album The Anchor. Powerplay. Powerplay. Mine. maybe it worked out for you. Maybe you got the girl. Maybe you saved the world in a parallel universe. Maybe you got the girl. Maybe you saved the world in a parallel Hi, this is Sasha Papernick, and you are listening to Planet Indie. Hi, this is Davis from Savage Peace, and you're listening to Planet Indie. Hi, I'm Ann Mercer, and you are listening to Planet Indie. Et oui, chers amis, il va être tout doucement l'heure de se quitter. C'était l'épisode numéro 408 de Planet Indie. Dans les oreilles, on écoutait la musique dark gothique du groupe Art Noir. Le morceau s'intitule Dark Temple. Et il nous reste quelques minutes pour écouter le dernier morceau pour aujourd'hui, à savoir Robert Hill accompagné des Musk G-Few. On va l'écouter avec Fair and Square. J'étais très très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que ce fut le cas pour vous aussi et que vous avez apprécié la programmation musicale. On se retrouve bien entendu le 1er juin pour une nouvelle émission en direct. Et puis cette émission d'aujourd'hui, épisode 408, sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Et puis vous pourrez aussi retrouver le podcast sur notre site internet et dans notre groupe Facebook. Le site internet, c'est www.ilovemusic.ga et notre groupe Facebook, mais bien c'est simplement Planet Indie. Passez une bonne soirée, un bon week-end, et on se retrouve donc dans un mois pour de nouvelles aventures musicales. À bientôt. ready, just waiting to begin. As they are standing there, convincing themselves that they really do care, they're the right side one. Sacred revelation they might see.